Pour conduire, je dois subir un examen médical si je souffre de crise d'épilepsie? Oui, réponse A. Non, réponse B. De troubles de la vue la nuit? Oui, réponse C. Non, réponse D.